Yeah. Yo. Yo. C'est vrai que l'argent ça ne pousse pas dans les arbres. On fait tout pour gagner, c'est bon de verser quelques larmes. Et puis, ravaler ses paroles c'est plus que du marbre. Nous ce qu'on veut c'est foncer, on veut plus manger de rhubarbe. On veut plus jouer à statut, ce qu'on veut c'est compter des buts. Né assez eu des lèches-culs, je les aurais tous combattus. C'est à force manger des ramen que la vie me ramène. En face de la pharmacienne qui monte mes pilules man. Et les années passèrent, toujours la même galère. Face à face avec ma mère qui me dit toujours quoi faire. Non je suis pas malhonnête, je n'ai pourtant qu'une quête. Je n'ai jamais de miel. Je finis toujours mon assiette. Parce que j'ai trop pris de drogue, j'ai plus trop de dialogue. Me sens à l'écart de tout le monde comme un pédagogue. Et puis, c'est à force de penser que tu le peux. Qu'un jour toi tu deviens vieux. Réalise tes meilleurs vœux. Qu'au circuit tu deviens nerveux. C'est quand mon up est fini que je commence à être mal pris. Le syndrome de la page blanche arrive parfois que ça me nuit. Toujours aimé l'écriture, je supporte toutes les cultures. Pour ceux que tous ceux qui écoutent mes tracks ont tous un cœur pur. Yo.